te hais. Des fois je ne sais pas comment je fais pour vivre sans toi. Sans toi y a rien de beau. Quand t'es pas là, tout est zéro. Tu ne seras plus jamais là. Tu m'as viré. J'ai toujours pas réalisé. Des fois tu me manques si fort que je ne sais pas s'il est utile encore de respirer ce monde mort. C'est un désert qui a rendu la terre si pauvre qu'il n'y reste la poussière. Un ciel ivre qui se bat pour refléter encore les océans et le soir. Pour briller, des fois tu me manques si fort que je ne sais pas s'il est utile encore de respirer ce monde mort. Des fois je te hais, des fois je ne sais pas pourquoi tu me manques comme ça. Des fois tu me manques si fort que je ne sais pas s'il est utile encore de respirer ce monde mort.